Bonjour, c'est Manuel de Ludologie. Alors, on va bientôt démarrer le 76e épisode de la série, du podcast. Mais avant, je vais vous parler rapidement d'une petite chose qu'on vous a déjà évoquée à plusieurs reprises cette année. On a monté une structure pour accompagner Ludologie, puis par la suite d'autres podcasts, une structure qui s'appelle Studio Dilettante. Et cette structure a notamment pour vocation de lancer un Tipeee de façon à ce qu'on puisse récupérer un peu de sous pour des choses aussi simples que payer l'abonnement SoundCloud, payer le matériel d'enregistrement, enfin voilà, payer les frais de fonctionnement et de création de ce podcast Ludologie qui en est à sa cinquième saison et demie. Eh bien, ce Tipeee est lancé. Voilà. Si vous cherchez sur la plateforme Tipeee, et on vous mettra le lien de toute manière dans la description du podcast Studio Dilettante, vous nous trouverez, vous pouvez nous donner un petit peu de sous et on sera ravis de vous remercier à l'antenne et on sera ravis de votre aide et on sera ravis de pouvoir continuer à faire des épisodes avec des invités prestigieux parce que on va vous gâter dans les semaines à venir, n'en doutez pas. Et puis en plus, avec des sujets passionnants. Voilà, maintenant on va pouvoir commencer. Je vois le genre, votre femme et vos gosses vous rendent dingue. Il vous faut un petit truc pour vous déstresser, avec un paquet de monstres à dézinguer, je présume. Et on faisait une petite partie d'échecs. On dirait une sorte de jeu bizarroïde, tu as vu? Qu'est-ce qu'il y a d'écrit? Un jeu pour tous ceux qui espèrent laisser derrière eux leur univers? Oh, c'est super cool! C'est peut-être un jeu underground qui l'a développé. Drôle de jeu. Pour gagner, il ne faut pas jouer. Et voilà, le 76e épisode de Ludologie commence aujourd'hui. Alors, j'ai mis un titre de travail, je ne sais pas si on le gardera par la suite. J'ai mis « Qui détient le game ?» Parce qu'aujourd'hui, on va parler de questions de propriété intellectuelle. Le jeu ne s'extrait pas des questions de droit et dans une industrie qui peine à accéder au statut de culturel, la place du créateur, c'est un truc qui se questionne beaucoup. Surtout que les idées, ça ne se dépose pas légalement et que les règles du jeu sont souvent considérées comme plus une notice qu'un texte d'auteur, quoi. Alors pour ce numéro, on en reçoit un d'auteur justement, moi et puis Vianney qui est avec moi au micro. Bonjour Vianney. Bonjour à toutes et tous. L'auteur qu'on reçoit a créé un des jeux de société les plus pratiqués dans le monde. Je ne fais pas du tout d'emphase, c'est bien. Avec Pierrick Yakovenko, si je ne dis pas de bêtises. Vous avez des prénoms à coucher dehors tous les deux, c'est incroyable. Donc c'est un jeu qui a été créé il y a désormais plus de 20 ans. Jeu que vous connaissez probablement, il s'appelle Jungle Speed. Et aujourd'hui, nous recevons Thomas Vercheck. Bonsoir Thomas. Est-ce que tu peux te présenter peut-être un peu plus en détail que cette introduction un peu brève, nous parler un petit peu de ton parcours. Oui, alors donc moi je suis alors jusqu'à il n'y a pas si longtemps que ça, je me définissais encore comme mammouth du monde du jeu. Là, je commence à rentrer vraiment dans la phase dinosaure là. Ça y est, là. je crois que je suis en train de passer un cap. Donc effectivement, je suis arrivé. Alors le Jungle Speed, en fait, est encore plus ancien que ça parce que le premier proto date de 1991. Pierrick, donc Yakovenko, est un copain de lycée. On s'est connu en première à Compiègne, dans l'Oise. On était tous les deux joueurs, mais à cette époque-là, on n'était pas tant que ça, à pas forcément avoir envie de faire des jouer au tarot pendant la récré. Parce qu'il y avait à peu près que ce jeu-là qui était disponible dans le lycée. Et du coup, on s'est rencontrés en organisant un killer en fait dans le lycée, ce qui nous a beaucoup amusé. Et puis, on est restés copains. Et en fait, donc on a passé notre bac en 89. Et donc en 91, on a fait le premier proto de Jungle Speed en fait, qui était juste l'idée, c'était juste de personnaliser un jeu traditionnel qu'on connaissait, qui est un dérivé du jeu du bouchon. Là sur le coup, l'idée de base est traditionnelle. Hein. Et puis on l'a développé, c'est-à-dire qu'on a modifié les cartes, enfin on a apporté un graphisme qui n'existait pas, parce que de toute façon on jouait avec un jeu de 52 cartes. Et puis on a modifié un peu les règles du jeu qu'on connaissait, et puis on a fait ce totem en bois, et puis c'est tout. En fait, sur le coup, on s'est dit, bah voilà, on a juste, on s'est bien marré, on a fait un autre truc dans notre coin. On n'a pas imaginé une seconde, en fait, commercialiser cette chose. On a quand même eu la présence d'esprit, qui contredit un peu ce que je viens de dire, mais de déposer une enveloppe solo à l'INPI, où on a mis en fait le descriptif du jeu. Et puis voilà, en fait, à part ça, on n'avait pas spécialement envie de développer ce truc-là. On est quand même allé voir, Ludo Délire à l'époque, donc qui était un éditeur, l'éditeur un peu punk, enfin le seul éditeur un peu différent en fait qui existait en France, donc qui avait édité le seul jeu moderne qu'on connaissait de l'époque, qui était Super Gang. En fait, on jouait pas mal à Super Gang. Et c'était le seul jeu moderne qu'on connaissait en fait. À part ça, on jouait au Pictionary et c'est tout quoi. On vient pas, contrairement à la plupart des gens de ma génération, j'ai pas joué aux jeux de rôle, j'ai pas joué à Magic, je suis passé à travers. En fait, j'ai jamais rencontré quelqu'un en fait qui jouait à des jeux de rôle quand j'étais ado. Donc du coup, bah, j'y ai pas joué. Et puis Magic, c'était pareil. Voilà. Et donc, en fait, avec mon pote, donc Pierrick, on a fait ce proto et puis on l'a traîné pendant 5 ans. J'en avais un, lui en a fait un autre, il est parti en voyage pendant plusieurs années, il en a fait un autre pendant ce temps-là. Et puis on s'est retrouvé 5 ans après en se disant, bon, en fait, quand même, ce truc il a accroché pas mal de gens, on pourrait tenter un truc quoi. Donc en fait, c'est vraiment une histoire un peu, enfin, c'est du storytelling, mais c'est vrai que c'est une histoire rigolote quoi. On n'avait pas de taf, et puis son père, Pierrick, est sérigraphe. Donc on s'est dit, et puis en plus Pierre qui est super bricoleur, donc il avait un tour à bois, et puis il a une machine à coudre, et donc du coup on s'est dit, mais en fait on a tout ce qu'il faut pour faire un petit proto, donc on va le faire. Donc on a fait 200 cartes sérigraphiées, enfin 200 jeux avec des cartes sérigraphiées, on a fabriqué le jeu nous-mêmes, et puis voilà, après on s'est dit, bah, où est-ce qu'on va aller pour le montrer. On savait à peine qu'il y avait des boutiques de jeux qui existaient, d'ailleurs il y en avait très peu qui existaient à l'époque. On ne connaissait pas de festival de jeux, enfin voilà, 96, donc c'est 96, c'était le désert ludique, hein. C'est la période de creux la plus importante, je pense, pour le jeu de société, avant que le jeu vidéo nous ressorte de l'ornière. et donc du coup, bah, on a lancé le jeu dans des bars, parce que c'était notre milieu naturel. Et donc du coup on s'est dit, c'était un moment, il y avait plein de concerts dans les bars, on était à Paris, on s'est dit, tiens, on pourrait proposer un autre truc. Il commençait à y avoir des sortes de voisinage un peu avec les concerts dans les bars, on va proposer ce truc aux bars, peut-être ça peut les brancher. Et donc effectivement, les bars ont bien accroché à cette idée, donc on a fait des soirées Jungle Speed, en fait, uniquement dédiées à ce seul jeu, dans les bars parisiens. Et puis ça a bien pris, ça fait un super effet boule de neige. On a eu un petit peu de presse à l'époque de journalistes branchés qui cherchaient un peu des trucs sur ce qui se passait dans la vie nocturne parisienne. Et puis bah là, à partir de ce moment-là, ça a commencé à monter. Et puis voilà, bon, le succès est arrivé assez vite en fait avec le jeu. Et avec les problèmes. Les problèmes sont aussi arrivés assez vite parce qu'on a eu En fait, dès le début, on a eu un plagiat du jeu. Et on en a eu un deuxième assez rapidement derrière, alors qu'on n'avait pas vendu 5000 jeux encore. Hein. Enfin, c'était vraiment ça, c'est voilà. Et puis on a auto-édité le jeu en fait pendant un an et demi, et puis avant de le passer à un éditeur. Voilà. Alors les problèmes, on va y revenir. Je donne juste pour précision aux auditeurs. Tu as cité l'INPI tout à l'heure, donc l'Institut national de la propriété industrielle, si je ne dis pas de bêtises, ou intellectuelle. D'accord. Qui est le lieu où on dépose Comment vous y êtes pris exactement, vous avez, pour déposer votre jeu? Alors en fait, moi souvent, parce que c'est vrai que c'est une des questions des auteurs qui est la plus récurrente quand même. C'est, enfin, alors, de moins en moins maintenant, ça, le message est passé, mais pendant longtemps, c'était qu'est-ce que je fais? Voilà, j'ai un proto, est-ce que je le montre? Est-ce que je le montre pas? Ce qui est quand même fou quoi, d'arriver à cette conclusion-là. Est-ce que le meilleur moyen de le protéger, c'est de ne pas le montrer? Alors oui, la réponse est oui. Mais le meilleur moyen de pas qu'il soit pas édité, c'est valable, c'est la même réponse. Et donc ça sert à rien de déposer des brevets. Bon, on va y revenir, mais il n'y a pas de brevet sur les jeux. L'enveloppe solo, en fait, c'est on va à l'INPI. Alors je sais pas combien ça coûte maintenant, mais à l'époque c'était genre 50 balles. Pour 50 balles, donc t'achètes deux enveloppes. Et c'est des enveloppes craft format A5, je crois. Tu mets, je crois, c'est jusqu'à 3 ou 4 feuilles A4 dedans. avec ce que tu veux écrit dessus, imprimé, etc., reproduction d'images, texte, etc. Tu mets la même chose dans les deux enveloppes, tu leur donnes les deux enveloppes, il la poinçonne, il t'en renvoie une que tu n'ouvres pas et que tu gardes chez toi. Et c'est, je crois que c'est pour 5 ans. Donc c'est 50€ pour 5 ans, ce qui est la protection la moins chère en fait, qui existe. Et c'est la plus utile en fait. Parce que tout le reste n'a pas beaucoup d'importance. Alors c'est vrai que pour Jungle Speed, on a déposé le nom assez vite. On a fait un dépôt du nom, mais en général c'est pas la peine de le faire, enfin sauf si vous avez un nom qui vous paraît qui déchire tout, mais a priori ça sert à rien de le faire avant que l'éditeur vous dise s'il le garde ou pas. Et en plus là ça coûte cher parce que tu fais un dépôt par pays, tu peux pas au niveau, enfin l'idéal en fait c'est de faire pays par pays et ça coûte vraiment très cher. Alors de ce que tu racontes là, effectivement, on est dans des démarches de propriété intellectuelle qui sont complètement décorrélées du droit d'auteur. On est d'accord. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce que j'entends, les droits de créateurs de jeux n'ont aucun lien avec les droits d'auteur par ailleurs qui peuvent exister notamment sur le territoire français. Alors c'est assez compliqué, effectivement, on n'a pas de droits d'auteur. Enfin, on reçoit des droits d'auteur, enfin des royalties. Qu'on dépose sur notre compte, donc de fait on est auteur. Les AGSA nous mine de rien, s'intéressent de plus en plus aux auteurs de jeux de société. L'AGSA, donc c'est le... oui. Alors je saurais pas le dire. Là c'est quoi, l'association de gestion des... Alors ça je sais pas, tiens, c'est une bonne question, je sais absolument pas ce que ça veut dire AGSA, mais ça regroupe, donc c'est plutôt les auteurs. Alors je crois que les auteurs de jeux vidéo. Enfin, les gens du jeu vidéo, en tout cas, sont depuis longtemps ont le droit d'y être. Nous, en fait, on avait fait une demande avec eux. Donc, ça regroupe c'est la sécurité sociale des auteurs. Donc, ça doit être association de gestion, sécurité sociale des auteurs, un truc comme ça. Donc, c'est pour avoir la sécu et pour cotiser à sa retraite en tant qu'auteur. Et nous, on avait fait une demande avec Pierrick il y a très très longtemps, on avait été refusé, ils n'avaient même pas compris ce qu'on leur voulait. Et là maintenant, les AGSA ont vu que les auteurs de jeux de société touchaient un peu de sous, donc du coup ils viennent nous voir maintenant. Voilà, mais effectivement, alors les dépôts qu'on a fait à l'INPI, mine de rien, on va en reparler parce que. Ah oui, c'est l'association pour la gestion de la sécurité sociale des auteurs. Moi, j'étais pas loin. Pas mal. quand on a fait le dépôt à l'INPI, mine de rien, ces enveloppes INPI ont eu un impact sur un procès qu'on a eu plus tard avec un plagiat qui s'appelle Jungle Jam, que j'ai ramené. Alors, j'ai ramené pas mal de plagiat de Jungle Speed. Il y en a qu'un à qui on a fait un procès. On en parlera, on dira peut-être pourquoi. Et ça a joué sur l'antériorité du jeu. Et du coup, si tu veux, ça. C'est l'antériorité, c'est pas nous reconnaître comme auteur, mais c'est reconnaître qu'on a eu une démarche créative avant d'autres. Et c'est en ça que ça a joué dans le procès. Et mine de rien, ça nous a quand même apporté, je veux dire, ça a permis. Alors le jugement, je l'ai ramené, c'est pas complètement clair sur la notion d'auteur, parce que c'est pas la règle. En fait, la règle n'est pas du tout visée dans le jugement. La règle du jeu, mais c'est sur ce qu'on a fait autour du jeu, c'est-à-dire le design du jeu. On a fait un petit texte d'introduction dans la règle du jeu où on présentait notre jeu avec une petite histoire inventée. Et c'est ça qui a compté, en fait. Et c'est ça qui nous fait auteur. C'est-à-dire que je sais que, par exemple, un des premiers à avoir pu s'inscrire comme auteur dans le monde du jeu, c'est Hervé Marly. Parce qu'il avait fait le Petit Meurtre et Fait Divers, qui est un jeu à base de livres, et donc à base de texte. Et donc c'est par le texte en fait, qui s'est retrouvé comme auteur. Mais effectivement, l'auteur a priori d'un jeu peut être reconnu comme auteur parce qu'il rédige une règle, et pas parce qu'il a créé une mécanique. Alors c'est nous, dans notre cas, pour Jungle Speed, c'est parce qu'on a créé un petit univers autour de cette mécanique de base, qui est simplissime. Mais c'est cette mécanique de base, enfin cet emballage qu'on a créé autour du jeu qui nous a rendu auteur du jeu, en fait. L'absence de droit d'auteur, ça pose aussi, j'imagine, des questions de transmission dans le cadre des œuvres écrites de l'esprit qui tombent sous le coup du droit d'auteur, des romans ou autres. Il y a de la transmission du droit moral sur l'œuvre, ce genre de choses, la possibilité pour une œuvre de tomber dans le domaine public, mais 70 ans après la mort du dernier héritier, ça peut aller assez loin. Comment ça se passe ? Alors j'imagine bien que ce n'est pas forcément des questions qu'on a envie de se poser tout de suite, mais j'imagine qu'à un moment, elles se posent aussi de comment ça se passe, l'éventualité d'une transmission de droits sur des choses qu'on a créées. Alors oui, la question est complètement pertinente. En même temps, pour l'instant, on n'y est pas. C'est-à-dire que jusqu'à maintenant, les jeux qui pourraient être dans ce cas-là, par exemple, Monopoly, par exemple, il n'y a pas eu de droit d'auteur, je crois. C'est-à-dire que ça a été dès le départ, il n'y a pas eu de droit d'auteur. C'est-à-dire que pour voir ça, il faut voir 70 ans après la mort d'un auteur qui a eu des droits d'auteur dans son contrat. Donc on en est loin, en fait. Parce que la reconnaissance des droits d'auteur, etc., c'est pas si vieux que ça. Je sais pas, ça a dû commencer. Je ne sais pas exactement à quand ça remonte. Par exemple, le risque, peut-être qu'il a touché les droits d'auteur, Monsieur Meurice. Donc peut-être que le risque, tu vois, c'est un des premiers. Alors c'est les années 70, quoi. Les années 70, il y a du droit d'auteur. Mais il y a même eu, je sais que j'ai entendu parler de contrats pas si anciens, enfin il y a quelques vingtaines d'années, enfin une vingtaine d'années, où c'était des droits dégressifs. Donc où normalement tous les auteurs maintenant demandent des droits progressifs, c'est-à-dire que sur les premiers 20 000 jeux tu touches 8, et puis après de 20 à 50 000 tu touches 10, et puis au-delà de 50 000 tu touches 12. Il y a 20 ans il y avait encore des contrats qui se faisaient où tu touchais de moins en moins, en fait. Donc il faut pour savoir, pour répondre à ta question, je sais pas, rendez-vous dans 50 ans. Non mais c'est vrai, tu vois, c'est une question importante, mais et je pense que d'ici 50 ans on sera auteur de jeu, enfin on sera reconnu. Donc j'espère que d'ici là ce sera bon. Tout à l'heure tu as parlé de plagiat, tu as utilisé le mot plagiat. Il y a deux petites choses de nuance au niveau de la propriété intellectuelle. Si ma mémoire est bonne, il y a le plagiat et la contrefaçon. Je crois que c'est deux choses différentes. Je sais plus si... Non. Très bien. Du coup, voilà. C'était ma question. Je crois, d'après ce que j'ai compris, parce que les notions juridiques sont quand même pas simples à survoler, donc il faut être assez. Si je dis une connerie, si des juristes nous écoutent, je suis désolé d'avance, mais il me semble avoir compris que le plagiat n'est que la version civile de la contrefaçon qui en est sa version juridique, en fait. C'est-à-dire que en termes juridiques, on parle pas de plagiat, on parle de contrefaçon, mais je crois que c'est la même chose. Alors justement, rentrons-y dans les histoires de plagiat et de contrefaçon. Toi, tu t'es retrouvé effectivement confronté à cette problématique d'avoir des copies qui émergent de ton jeu, parce que ton jeu avait eu du succès. J'imagine que ça a des côtés positifs, ça veut dire qu'on a du succès, mais en même temps, ça doit soulever tout un tas de questions, et puis peut-être on se retrouve un peu démuni aussi à savoir ce qu'on peut faire. Comment ça s'est passé pour toi, tout ça ? Ouais, effectivement, ça a été assez long parce que, alors, on a eu un plagiat très rapidement, je l'ai dit tout à l'heure, et un notamment, c'est Jungle Jam, qui a la particularité d'être vraiment très très proche. Ce qui est, en fait, sur le coup, quand tu as un jeu qui ressemble énormément au tien, enfin, je peux dire un jeu, mais ça peut être pour n'importe quoi, qui ressemble énormément au tien, en fait, dans un premier temps, tu as l'impression que c'est un viol. Enfin, je veux dire quasiment, hein, t'as envie d'acheter une batte de baseball. Et en même temps, en fait, c'est une très bonne idée, c'est une très bonne nouvelle que le jeu soit très proche. Parce que plus il est proche, plus le plagiat est flagrant. Donc c'est en fait 2 ans. On a fait le jeu à 96. En 98, on a rencontré en fait les gens qui ont donc Flitzebogen qui étaient les éditeurs de Jungle Jam. On les a rencontrés. Ils voulaient qu'on soit co-éditeur du jeu. Eux, ils sont allemands. Ils voulaient donc la première plagiat en Allemagne. Tu vois, c'est quand même original. Ils voulaient qu'on soit co-éditeur du jeu pour l'Allemagne. Et nous, on leur a dit non. On est éditeur du jeu. Donc si vous voulez, vous pouvez l'avoir en distribution. mais pas en coédition, parce qu'on n'a pas besoin de vous pour faire de la coédition. Et donc ils nous ont relancé plusieurs fois, et puis on a fini par plus répondre, parce qu'on leur avait dit non, et donc c'était plus la peine. Et donc dans leur dernier, alors c'était à l'époque, c'était par fax, hein. On avait communiqué par fax. et leur dernier fax disait bon, bah, assumez qu'on va se débrouiller. En gros. Voilà. Et donc, ils ont fait dans la foulée donc, ce jeu. Alors, ils étaient assez. Techniquement, assez tatillons. On est tombé sur du lourd hein, quand même. Parce qu'ils ont fait donc, Jungle Jam, qu'ils ont distribué en Allemagne. Dans le même temps, ils ont déposé la marque Jungle Jam en Allemagne et ils ont déposé la marque Jungle Speed qu'on n'avait pas déposée. Et ils ont aussi déposé Jungle Speed aux États-Unis, la marque. Et donc on s'en est aperçu quand on a voulu, entre-temps on a pris des agents qui ont essayé de placer le jeu en Allemagne. Et il y a un éditeur qui a été intéressé, donc il y a une version officielle de Jungle Speed. Et au moment de le faire, on s'est aperçu que la marque Jungle Speed était déjà déposée. Et donc du coup notre jeu a été renommé Arriba. Donc notre jeu a dû changer de nom en Allemagne. Donc là, c'est pas une batte de baseball qu'on avait envie d'acheter, c'est, c'est un AK-47, quoi. Voilà. Et donc on allait voir un juriste quand même. On a vu le jeu. Donc alors, déjà il y a la proximité du nom. Et puis tout le matos. Enfin bon, c'est la boîte. Je l'ai ramené. Le totem est absolument, enfin quasiment le même. Les cartes sont quasiment les mêmes. Enfin voilà. Le format, etc. Donc dans un premier temps, on est allé voir un juriste avec nos agents qui nous a demandé si on commercialisait le jeu en Allemagne. Là, c'était pas le cas en fait quand on a vu le jeu. Et donc il nous a dit, bah alors dans ce cas-là, ça va être dur de plaider. Ça tout dépend si on se place d'un point de vue industriel ou si on se place d'un point de vue d'auteur. Là, on est tombé sur un avocat qui se plaçait d'un point de vue industriel. Et donc du coup, à partir du moment où l'avocat se place d'un point de vue industriel, c'est mort. C'est-à-dire que on va en reparler aussi pour par exemple Blanc Manger Coco et Cards Against Humanity qui sont assez proches quand même. Et si on se place d'un point de vue industriel, Blanc Manger Coco n'a aucun problème parce que Cards Against Humanity ne se vend pas ici. Et à partir du moment où, si on se place d'un point de vue industriel, un terrain vierge, c'est un terrain à prendre. Et basta en fait. Et donc du coup, on est tombé sur un avocat qui nous a carrément déconseillé d'aller au fight parce qu'on allait perdre. Parce qu'en disant, bah, y a pas de préjudice en fait. Donc s'il n'y a pas de préjudice, et ben, y allez pas, vous allez perdre des sous. Et donc du coup, on est resté comme ça. Donc cette copie a prospéré en Allemagne. Il a même bien. Enfin, notre version officielle a pas bien marché. Donc du coup, bah, il s'est vendu et donc on a considéré que l'Allemagne était perdue. Quoi. Et puis en fait, on a. Quelques années plus tard, et ben ils ont essayé de vendre des jeux en France. Ils sont en fait par une chaîne de magasins qui s'appelle Jouet Club. Le patron d'Asmodée en fait s'est fâché avec le patron de Jouet Club. À ce moment-là, Jungle Speed était assez fort en France, et le patron d'Asmodée a dit au patron de Jouet Club, et ben si on est fâché, tu n'as plus mes produits, y compris Jungle Speed. Donc il a retiré, Asmodée a retiré tous ses produits de la chaîne Jouet Club. Et donc le patron de Jouet Club, comme ils étaient un peu fâchés tous les deux, il s'est dit bah je vais trouver un placebo, c'est pas grave. Et donc il a trouvé ce Jungle Jam par un distributeur belge qui avait du stock. Et du coup il a commencé à faire la promo de Jungle Jam sur le matos de présentation de Jungle Speed dans les magasins. Donc ils ont tapé très fort. C'est-à-dire que là, c'est là où. L'intérêt des plagieurs et des gens qui vendent du plagiat, c'est qu'ils ne sont pas très malins dans l'ensemble. Et moins ils sont malins, mieux c'est pour nous. C'est-à-dire que du coup, on a envoyé un huissier qui a constaté que le jeu était vendu sur le matos de com de Jungle Speed. Et l'huissier a demandé à avoir Jungle Speed. Un vendeur lui a dit, on n'a pas Jungle Speed, mais on a Jungle Jam, c'est pareil. Et voilà, et des choses, tout ça, ça a été noté, et donc après, on a lancé une procédure judiciaire, sachant que pour le coup, on a réfléchi avec Asmodée, parce que la logique aurait été que Asmodée soit le plaignant dans l'histoire, et en fait, on s'est dit non, on a discuté avec l'avocat, et on s'est dit non, en fait, il faut que ce soit les auteurs qui soient les plaignants, pour pas qu'on reste sur le terrain industriel, justement. et pour que on avait des accords divergents en fait. On n'y allait pas pour les mêmes raisons avec Asmodée. Nous, on y allait pour faire reconnaître nos droits d'auteur. Asmodée y allait pour faire reconnaître son terrain de chasse commercial. Et donc du coup, voilà, c'est nous les auteurs qui étions les plaignants, même si c'était Asmodée qui avait engagé l'avocat et qui le payait. Et du coup, on est resté sur le terrain justement de la création pour pas être dans une lutte bêtement commerciale en fait. T'as pas mal parlé là d'Asmodée. On en a pas trop parlé dans ton parcours. Est-ce que tu peux expliquer pourquoi Asmodée t'a accompagné dans cette démarche-là? Qui c'est Asmodée et pourquoi ils étaient à côté de toi en fait dans cette bataille-là? Alors Asmodée, donc c'est l'éditeur de Jungle Speed, c'est aussi le distributeur parce qu'ils sont ils sont surtout distributeurs en fait maintenant. C'est le leader mondial du jeu de société, je crois. Je sais pas si c'est officiellement, mais officieusement en tout cas ça l'est. Je crois que maintenant il l'est officiellement. Voilà. À l'époque, c'était pas le cas. Hein. C'est leur premier jeu en fait. Hein. Donc c'est des gens qui viennent du jeu de rôle, Asmodée. Donc moi quand je les ai rencontrés, ils étaient quasiment personne en fait. Et puis c'est le premier jeu qu'ils ont eu, Jungle Speed, donc c'est le jeu historique de la boîte en fait. Après ils ont eu Pokémon, etc. Bon, c'était après. Et donc pourquoi ils m'ont accompagné? Parce que ils voulaient défendre leur terrain de chasse. Eux ils voulaient pas qu'il y ait des copies qui puissent se vendre comme ça de leur jeu, parce que pour un éditeur c'est très dangereux en fait d'avoir ça. Donc c'est là où nos intérêts ont convergé. Alors outre le fait que c'était une petite guerre personnelle avec le patron de Jouet Club, mais un éditeur a pas intérêt à laisser prospérer des copies parce que c'est commercialement c'est pas bon. Mais là le droit d'auteur a rien à faire là-dedans. Hein. Là on n'est pas là. Hein. C'est eux, ils défendent. Alors nos intérêts convergent, mais on n'y allait pas pour les mêmes raisons. Ouais. Alors qu'est-ce qui se passe quand on a un auteur de jeu et qu'on débarque comme ça sur un jugement? Est-ce qu'on est reconnu comme auteur? Comment ça se passe par rapport aux interlocuteurs qu'on a en face? Au-delà des questions de droit de propriété, il y a aussi reconnaître le statut du travail effectué. Comment ça s'est passé pour toi? Alors en fait, c'est avec l'avocat. C'est-à-dire que l'avocat, moi je l'ai eu pas mal au téléphone. Il m'a pas mal posé de questions. Je lui ai envoyé toutes les images, les dossiers dont il avait besoin. Et son truc à lui, ça a été de prouver justement que, ça a été de prouver qu'on avait créé cet univers graphique sur Jungle Speed et de mettre en avant cet univers graphique, ce petit storytelling qu'on a mis sur la jungle. Le mot la jungle, tu vois, par exemple, c'est un mot très important parce qu'en fait, dans Jungle Speed, est reconnu, si tu veux, dans le jugement, que le mot speed, en fait, ça se colle très bien au jeu. Et donc est logique et pourrait par hasard être donné par des personnes différentes. Mais le mot jungle, en fait, on s'arrête. Le problème c'est qu'on s'arrête à des choses très très techniques. Hein. C'est-à-dire que dire le mot jungle, c'est une originalité du jeu d'avoir utilisé le mot jungle sur cette mécanique de carte qui n'a rien à voir avec la jungle. Et donc du coup, si tu veux, c'est humble hein, du point de vue de l'auteur. Hein. Tu as utilisé le mot jungle. Eh ben, c'est bien parce que du coup, tu es un auteur. Mais c'est en ça, si tu veux, que ça a été important. Alors, on s'est arrêté beaucoup sur le mot jungle parce que, évidemment, la proximité du nom entre Jungle Jam et Jungle Speed, il fallait. Eux, évidemment, disent ça n'a rien à voir. Mais nous, on voulait prouver, si tu veux, quels étaient les liens entre les deux. Et donc, un des liens, c'est par exemple le mot jungle, et de s'arrêter là-dessus. Et donc, c'est ça qui nous fait auteur, en fait. C'est tout con. Hein. On est à la base. Hein. Mais cela dit, sur l'écriture des règles, etc., ça, dans le jugement, si tu veux, c'est un très très court paragraphe, parce que c'est uniquement pour dire qu'elles sont similaires, c'est tout. Ça s'arrête là, en fait. Et donc, j'ai discuté avec l'avocat. Moi, j'ai découvert tout cet univers-là. Je le connaissais pas. Je pourrais te citer. Tu vois, Tu vois, il est dit par exemple dans le jugement, ainsi cet ensemble constitué par ces cartes à jouer de deux sortes différentes et aux motifs variés, ce totem en bois sculpté, ce rattachement arbitraire à l'univers de la jungle et de la tribu par le nom du jeu, les motifs et les formes adoptées résultent d'un effort créatif certain. Tu vois, c'est-à-dire que c'est tout ce qu'on a obtenu pour nous reconnaître en tant qu'auteur, ça paraît pas beaucoup comme ça. Mais en fait, c'est important parce que ça veut dire que voilà, on ne se place pas que du point de vue de l'éditeur. C'est-à-dire que là, on s'est là ils sont placés dans le jugement, ils sont placés sur le point de vue de l'auteur. Et rien que ça, ça fait jurisprudence, en fait. L'effort créatif, certain. Et donc, pour l'instant, si tu veux, il n'y a pas eu beaucoup de procès. Il y en a pas eu très peu, en fait. Donc, c'est ce genre de choses, si tu veux, qui va nous faire avancer petit à petit. Mais pour l'instant, on peut espérer que ça, pour la reconnaissance de l'auteur, en fait, de jeu. Alors que, objectivement, quand on regarde les deux jeux côte à côte, bah, les similarités sautent au visage quand même. Ça doit demander un certain aplomb de la part des contradicteurs, en l'occurrence des plagieurs, pour dire que ça n'a rien à voir. Comment ça se passe la communication dans ces cas-là ? Ah bah, la communication, il n'y en a pas eu. Hein. Autant vous dire qu'il n'y en a pas eu. J'ai fait des cauchemars quand même récurrents. Parce que le gars, je l'avais rencontré, tu vois, en plus. Donc, tu vois, je voyais sa tête et tout ça. Tu vois, je peux vous laisser imaginer ce que j'ai pu faire avec sa tête, qui était libre devant moi dans mes rêves. Mais non, évidemment, je n'ai pas eu de contact avec eux. Et surtout pas, il ne faut pas, quoi. Mais. Ouais, les jeux sont très similaires. Bah oui, mais en fait, en même temps, c'est un hommage. Hein. Je veux dire, assez vite, il faut le prendre comme un hommage. Alors, parce que là, j'ai amené d'autres copies. Il y en a pas mal. Alors, évidemment, on peut pas faire des procès à tout le monde. C'est pas possible. Et puis, on s'en fout, en fait. Mais maintenant, si tu veux, j'ai passé le cap. Là, maintenant, je fais une collection de copies. Et donc, quand je vois des copies dans le fin fond d'un pays de l'Est où je peux pas l'acheter en ligne parce qu'ils le vendent que dans son pays, je suis vert de rage, quoi. Alors ça c'est le bon cas, parce que toi tu as un jeu qui s'est quand même très très bien distribué, qui a eu de nombreuses copies. Je sais pas s'il existe des cas où la copie a fait assez mieux distribué que le jeu original. Je sais que pour le coup, il y a des questions qui se posent du côté de Cards Against Humanity et Blanc Manger Coco. Dans ces cas-là, j'imagine que c'est quand même plus compliqué, non ? Ouais, alors ce cas-là est vraiment intéressant parce que non seulement il y a... Alors, on peut dire copie, jeu très très similaire quand même. Blanc Manger Coco est vraiment très très très très, très similaire à Cards Against Humanity. Donc Cards Against Humanity, c'est un jeu américain, faut le rappeler aussi, donc c'est un jeu américain. Où on place, donc il y a un paquet de cartes noires, un paquet de cartes blanches, c'est ça. Le paquet de cartes noires, c'est le début de phrase. Vianney hoche la tête, il confirme. Et les paquets de cartes blanches, c'est la fin de la phrase. Donc on a chacun, donc on pose une carte avec le début de phrase. On a tous en main des fins de phrase. On propose des fins de phrase à un joueur qui va déterminer quelle était la meilleure combinaison. Donc le jeu est très simple. Il y a eu d'autres versions avant, c'est-à-dire que le distributeur, je sais que j'ai eu une prise de bec avec le distributeur de Limit Limit, qui est une autre version aussi du jeu, qui lui soutient qu'il y a eu Apples to Apples, qui était sorti avant, donc un gros succès américain, qui est effectivement sur le même principe, mais qui n'est pas trash. Qui est un jeu familial avec un look un peu différent. Et là, il se trouve que l'apport de Cards Against Humanity dans ce style de jeu-là, c'est le trash. Enfin, c'est le côté trash, décalé, humour noir et un design. C'est-à-dire qu'il y a une boîte, c'est une boîte rectangulaire avec des cartes basiques blanc-noir. Et il se trouve que Limit, par exemple, qui était le jeu le plus proche, en fait, était graphiquement très contestable. C'est-à-dire que même si le Cards Against Humanity ne pouvait pas faire grand-chose sur la mécanique, parce qu'effectivement, on peut dire que ça vient d'ailleurs, mais ils ont apporté donc, cet univers trash et puis un graphisme. C'est-à-dire que je me souviens que j'avais regardé à l'époque de Limit Limit le site internet, c'est une copie conforme du site de CH. Et ça va aller plus loin, je vais aller dans l'anecdote là, et pour aller, parce que du coup, pour ceux qui n'ont pas suivi, mon travail, moi, c'est d'être ludicaire, donc je vends des jeux. Et donc moi, quand Limit Limit est sorti, j'étais convaincu intimement que c'était la version française légale de Cards Against Humanity, c'était la localisation, tellement la similitude était, alors là c'est même plus frappant, c'est une évidence. C'est-à-dire que la boîte était la même, le design était le même, le graphisme était le même, tous les choix éditoriaux étaient les mêmes. Et pour avoir joué, moi, la version anglaise avant, en plus, ça se contente de faire une bête traduction, quoi. Donc c'est là où c'est vraiment violent. Et c'est là où je trouve ça super intéressant de voir que, comme tu le disais tout à l'heure, sur qu'est-ce qui fait qu'ils sont auteurs, en fait. C'est le contenu des cartes. C'est triste, quoi. Alors après, le problème, c'est toujours pareil, c'est la nature horreur du vide. Et donc, pour une raison qui m'échappe, Cards Against Humanity a été approché par plusieurs éditeurs qui ont proposé de faire une localisation du jeu en français. Et ils ont refusé, alors je ne sais pas pourquoi, c'est un mystère, mais ça n'excuse rien. C'est-à-dire qu'effectivement, alors eux, ils avaient une démarche, il y a eu un malentendu aussi avec Cards Against Humanity, c'est qu'ils ont sur leur site, leur jeu est en Creative Commons. C'est-à-dire qu'ils ont proposé sur leur site que n'importe qui, dans n'importe quel pays, pouvait faire sa version dans sa langue, en faire un PDF, le proposer au site qui le mettait en lien de téléchargement donc sur leur site. Donc tu peux télécharger Cards Against Humanity en français, en plein de langues, sur leur site, gratuitement. Tu l'imprimes, bon, c'est moins gratuit, mais voilà, tu l'imprimes. Et donc ils ont en fait une démarche là-dessus, sur le Creative Commons. Et le Creative Commons, j'ai l'impression, a été pris comme un appel à se servir, quoi. Voilà. Mais évidemment, alors c'est compliqué le Creative Commons, mais il se trouve que normalement, c'est pour utiliser gratuitement quelque chose, mais c'est en aucun cas pour commercialiser quelque chose. Mais dans les discussions que j'ai eues, parce que c'est un truc un peu récurrent sur les réseaux sociaux, à chaque fois, ce truc ressort en disant « bah ouais, mais c'est libre ». Les gens mélangent licence libre, Creative Commons, ça a appelé à toute notion qui a l'air un peu floue dans la tête de tout le monde. Mais du coup, avec cette démarche qui était plutôt sympa de leur part, enfin plutôt, plutôt de bon esprit, quoi, j'ai l'impression que ça a encouragé un petit peu, quoi, les gens de se dire, bon, bah, en fait, ils s'en foutent, ils veulent qu'on se serve. Et une fois que le jeu est maintenant, bah, là, je pense que l'Europe, c'est mort, ils ne peuvent plus y aller, en fait, c'est fini. C'est-à-dire que s'ils essayent de venir, ils vont arriver après 1000 versions qui sont... parce qu'en plus... Il y a Blanche et Coco, Limite Limite, qui sont deux cartons intersidéraux. Mais il y en a plein qui arrivent. Il y en a toutes les semaines quasiment dans la boutique de Vianney, il y en a un nouveau. Alors je ne sais pas si c'est dans la boutique, peut-être pas, mais il y en a un qui sort, en tout cas disponible toutes les semaines, que tu pourrais avoir dans ta boutique en plus. Parce que tu as. Alors j'ai vu le dernier que j'ai vu, c'était pas mal, c'est le gay actif ou passif, le premier jeu gay. Et donc on a maintenant on va voir par catégorie le jeu, et donc c'est fait par des gays, enfin ils se revendiquent comme tels, alors je sais même pas si c'est du flan en fait, j'en sais rien, mais donc le même principe mais pour les gays quoi, avec des thématiques gays. Voilà, il y a Motherfucker qui est dans le truc qui arrive, enfin il y en a plein de versions différentes, et là tout d'un coup ça dégueule, c'est-à-dire que tout d'un coup le truc dégueule, là on a droit à plein de versions du même jeu sans que personne ne puisse vraiment réagir. C'est-à-dire que finalement, le succès de Blanc-Manger Coco a tout emporté. C'est vraiment un tsunami qui a fait que l'éthique de chacun n'a pas tenu longtemps, en fait. C'est-à-dire que les ludicaires, je crois qu'il y a une seule boutique qui a refusé de le vendre en France. Peut-être un peu plus, mais allez, on va... Trois, ok. C'est-à-dire que les boutiques, au départ, ont dit non, on ne le vend pas. Et puis devant le succès du jeu, en plus ça a été, c'est merci Squeezie, il y a eu une vidéo faite par Squeezie qui a été vue 5 millions de vues. Les ludiquais ont vu débarquer des hordes d'ados dans leur boutique alors qu'ils n'en voient jamais, demandant Blanc Manger Coco, vous avez du Blanc Manger Coco, du Blanc Manger Coco. Au bout d'un moment tout le monde a craqué, donc bah, du coup le jeu est dans toutes les boutiques. Et les distributeurs ont suivi, c'est-à-dire qu'il y a un distributeur qui est BlackRock, qui est un très bon distributeur, hein, qui est, enfin, des gens très bien, mais qui ont craqué, forcément. Il y en a un qui allait craquer. Et donc ce truc a emporté tout. Et en même temps, c'est dangereux, parce que effectivement, là, on dit OK, on accepte. Il y a un autre exemple aussi d'une chaîne de boutiques. Je ne sais pas si tu connais, qui s'appelle Flying Tiger. Alors Flying Tiger, c'est une chaîne de magasins danois, enfin une chaîne danoise pardon, de magasins qui a je sais pas au moins 1000 magasins dans le monde dont pas mal en France. Et ils ont fait, là ils sont carrément dans une logique industrielle du plagiat. C'est-à-dire qu'ils ont, donc c'est du low cost, alors c'est une genre de boutique cadeau, tu vois, boutique cadeau un peu Ikea, un peu Sostern Green, je ne sais pas si tu vois ce que c'est, mais des petites boutiques de cadeaux pas chers, en fait, un petit peu branchées, un petit peu bobo, mais pas, enfin ça ne veut rien dire. Et donc des jeux pas chers, quoi. Et ils ont regardé le marché du jeu. Ils se sont dit ça, ça marche, ça, ça marche, ça, ça marche, ça, ça marche. Et donc, ils ont à peu près 25 références qu'ils ont reproduites à leur sauce et qui vendent. Bah alors là, je t'ai ramené la version Catch Me, donc, qui est Jungle Speed. Voilà. Ça se vend 3 euros. Alors sachant que sur leur site en plus tout est mélangé, c'est-à-dire que sur leur site c'est éthique, ethical game, etc. Mais un jeu avec une pièce en bois, des cartes, une boîte en carton vendue à 3 euros, je doute que ce soit très éthique. Et donc ils ont reproduit, je sais pas, il y a une vingtaine, 25 jeux comme ça. Et donc tout d'un coup, tu te dis, mais alors attends, si d'un côté il y a le plus gros succès du jeu de société. Actuellement, c'est un plagiat qui est vendu dans toutes les boutiques. S'il y a des chaînes de magasins qui se mettent à faire des plagiats de manière extrêmement construite, en plus, parce que là, pour le coup, Flying Tiger, les jeux sont quasiment inattaquables. C'est-à-dire que pour le coup, ils ont, je ne sais pas s'ils ont appris de ce qui a été fait avant, mais c'est l'opposé de Jungle Jam. C'est-à-dire que là, le nom est différent, c'est Catch Me. Les motifs sont différents. Le totem est carré, enfin rectangulaire. Là, on peut rien faire, quasiment. C'est très malin, c'est-à-dire que et un des donc j'avais publié des trucs sur les réseaux sociaux pour alerter tout le monde sur ce truc-là parce que j'ai mis du temps à m'en rendre compte. En fait, en plus ils n'ont pas de site où il y a sur internet tu vois quasiment pas leurs produits. Et donc j'ai alerté les gens et un gars leur a envoyé un message pour leur dire attention, vous vendez des copies et tout. Et il a eu une réponse. Flying Tiger lui a répondu « Nous avons fait estimer nos jeux par notre service juridique, il n'y a aucun problème. » Ça a été la réponse. Donc ça veut dire « Bah oui, on sait, mais c'est bon. C'est bon. Ça, y a pas de problème. » Donc là, on a couvert quelques problèmes d'un point de vue, je sais pas, ça dépend de la vision qu'on a du coup, d'un point de vue auteur, voilà, on se pose la question de se dire, bon, bah, est-ce que c'est une copie ou pas ? A priori, légalement, ça n'en est pas. Moi, ce qui m'intéresse, et c'est aussi pour ça que c'était cool de faire ça avec toi, c'est toi, aujourd'hui, là, en 2019, au vu de ton parcours avec Jungle Speed, le procès avec Jungle Jam, au vu de tous ces trucs que le Blanc-Manger Coco, voilà, Flying Tiger, et il y en a d'autres en plus, je pense. Il y a eu pas mal de dossiers moins connus, mais il y en a eu. Qu'est-ce qui, selon toi, aujourd'hui, fait que, par exemple, Catch Me, dont tu viens de parler, malgré tous les points de divergence, est une copie de Jungle Speed et pourquoi ça devrait être interdit ? Alors, est-ce que ça devrait être interdit ? Ça, je ne sais pas, je ne répondrai pas à cette question, mais qu'est-ce qui fait que, pour moi, c'est pareil ? C'est que, d'une part, c'est Catch Me, la mécanique du jeu est la même, bon ça c'est clair. Qu'est-ce qui fait que c'est une copie ? C'est que par exemple, la répartition des cartes est exactement la même. C'est-à-dire qu'il y a 80 cartes, il y a 80 cartes qui est le cas de Jungle Speed. Il n'y a aucune raison de partir sur une base du jeu traditionnel et de tomber sur 80 cartes. Le hasard est quand même assez surprenant. Et que les cartes, donc il y a la même répartition, c'est-à-dire 18 motifs différents dans 4 couleurs différentes, et la même répartition de cartes spéciales. Donc on a quand même des cartes dans Jungle Speed, des cartes événements qui sont 3 cartes flèches, et on retrouve exactement la même répartition dans le Catch Me de Flying Tiger, avec des flèches intérieures qui ont le même effet que dans Jungle Speed, des flèches extérieures qui ont le même effet que dans Jungle Speed, et des flèches couleurs qui ont le même effet que dans Jungle Speed. Donc si tu veux, là, c'est ce faisceau-là de choses qui... Et là, peut-être que si tu veux, sur les flèches, c'est-à-dire juridiquement, parce que j'ai contacté les avocats d'Asmodée, si tu veux, ils ont vu la boîte, ils m'ont dit, ouais, ok, non, bah rien à dire, c'est pas pareil. Le totem, c'est un totem, ouais, mais il est rectangulaire. Ok, rien à dire. Les cartes, c'est la même répartition, c'est un peu lèche ça. Et les flèches, ça c'est intéressant. Parce qu'effectivement, c'est le même effet. Un design pas très loin, enfin, je veux dire, c'est des flèches intérieures, des flèches extérieures, des flèches couleurs. La même répartition de cartes, c'est un peu plus intéressant. Voilà. Et une petite erreur au dos, c'est que ils appellent Flying Tiger, donc ils ont plein de langues, c'est un peu comme les Wajigamik où t'as 50 langues au dos. Et donc en français, le totem s'appelle le sceptre. Mais c'est la seule langue où il s'appelle le sceptre. Sinon, il s'appelle totem. Les petits malins. J'ai l'impression, quand on parle comme ça, que les party games sont particulièrement exposés à ces phénomènes-là. C'est juste un effet lié à ce qu'on vient de se raconter ou vraiment il y a une sensibilité parce que c'est des jeux qui se commercialisent bien, je ne sais pas. Ouais, alors je pense effectivement c'est une histoire de quantité de commercialisation. C'est-à-dire que les jeux qui sont le plus vendus sont les party games. Donc, et puis souvent, c'est des jeux qui ne sont pas language dependent, comme on dit. Donc c'est des jeux qui s'exportent facilement. Cela dit, il y a eu des plagiats de Dixit. Alors c'est un party game aussi, hein, d'une certaine manière, mais pas complètement. Et surtout, c'est couillu quand même. Parce que pour faire une version cheap de Dixit, c'est vraiment cheap. Mais en général, les pays où il y a des copies de Jungle Speed, il y a des copies de Dixit aussi. Et c'est un gros succès, oui, bien sûr, c'est les gros succès. Alors après, là, on parle des plagiats où les gens ont fait un effort de faire quelque chose de différent. Après, il y a des copies, hein, donc qui est un peu différent, où c'est on scanne, par exemple, je sais que Loup-Garou a une copie en Chine qui fonctionne très bien. Et en fait, ils ont scanné les cartes, et ils ont simplement, après un scan, réimprimé les cartes en grande quantité, quoi, en fait. Donc là, dans ce cas-là, si tu veux, il n'y a aucun effort. Là, c'est de la copie pure. Là, c'est encore autre chose. C'est un autre domaine. Bon, ça, je crois qu'il y en a en Chine, mais ça, je n'ai pas trop fait gaffe. Après, sur des jeux, je ne sais pas. Je n'ai pas d'exemple de jeux plus compliqués. Je ne saurais pas te dire. Ouais, je saurais pas te dire. Tu parlais de pays où il y a des copies. C'est-à-dire qu'on a des, il y a des localisations sensibles. Alors, en ce qui concerne... Ouais, alors, il y a la Chine. Là, c'est, je crois que tout le monde est au courant. Mais oui, la Chine, c'est important. Loup-Garou, je pense que la copie, c'est le jeu qui se vend le plus. Enfin, la copie se vend beaucoup plus que le jeu de base. Mais bon, de toute façon, le truc, c'est que c'est difficile de lutter. Parce qu'en fait, l'éditeur de Loup-Garou pourrait quasiment acheter la copie de Loup-Garou en Chine pour pouvoir la revendre en Europe. Parce qu'en coût de fabrication, tu l'achètes 1,50€, tu achètes la copie 1,50€, qu'est-ce que tu peux, on peut pas lutter. Il y a une histoire de prix aussi. C'est-à-dire que, en général, les pays, bah là par exemple, moi, sur une Jungle Speed, c'est plutôt à l'Est. C'est les pays de l'Est. Donc Ukraine, Russie, par là. En Russie, pas trop, mais les anciens pays du bloc de l'Est. Le jeu a manifestement été un succès. Et donc, il y a beaucoup de copies, mais qui sont vendues tellement peu cher que c'est très, très difficile d'aller contre. C'est aussi un des problèmes. C'est-à-dire que soit on essaie d'y aller de manière... soit on y va en faisant un procès. Voilà, il y a plusieurs possibilités. Faire un procès, soit essayer de récupérer commercialement le terrain, et donc c'est le travail de l'éditeur, soit racheter le stock aussi, c'est possible, faire ça. Dire t'arrêtes. C'est une des propositions qui a été faite à Jungle Jam, c'est de dire on vous rachète le stock, mais vous arrêtez. Bon, ça... ça, quand t'es du côté de l'auteur, t'es... Alors, ceci, je l'ai fait pour un magasin. C'est vrai, quand il y avait... j'avais repéré un magasin en France qui vendait Jungle Jam en ligne. Donc, je l'ai contacté pour lui dire, vous savez que vous vendez une copie. Voilà, je suis l'auteur de... Hein, est-ce que vous savez que... etc. Et donc, il m'a dit, écoutez, oui, j'ai appris ça, mais... en fait, il m'en reste que deux en stock. Donc, si vous voulez, après, j'arrête. Je dis, ok, je vous achète les deux. Et deux, après, vous arrêtez. D'accord. Et donc, je vais acheter deux Jungle Jam, en fait. Donc, il arrête de vendre. Mais donc, je sais qu'il y a eu en Argentine, il y a une ou deux copies. Par exemple, Diamant, qui est un jeu de Bruno Feduti. Je sais qu'il a eu, il a trouvé donc une copie, alors je sais, en Argentine ou au Chili, j'ai un petit doute, mais en tout cas en Amérique du Sud, il a trouvé une version qui était sous-marine. Donc au lieu d'aller dans des mines, on allait sous l'eau pour aller chercher des trésors sous l'eau. Et en fait, Bruno a trouvé que l'idée était bien. Et donc du coup, une autre possibilité de résoudre le problème, qui s'est fait comme ça, je crois, c'est de dire à l'éditeur, bon écoutez, en fait, votre version elle est bien, je suis l'auteur, si vous voulez, on signe un contrat maintenant, vous me payez des droits rétroactifs sur les jeux que vous avez vendus, et puis on fait un contrat officiel, et puis du coup, c'est une version officielle. Et c'est ce qui s'est fait. Donc on peut aussi, ça peut être pacifique, c'est-à-dire que aller au clash, c'est pas forcément la bonne chose, et proposer par exemple de dire à l'éditeur, si vous me payez droit d'auteur, et ben ok, on arrête. Ce qui était proposé à Jungle Jam, d'ailleurs, à un moment, on leur a proposé qu'ils nous reversent des droits d'auteur, et donc qu'on fasse un vrai contrat, en fait. Sauf qu'ils ont refusé. Ça fait effectivement pas mal de complexité. Comment ça se fait que c'est aussi difficile de protéger le game design d'un jeu? Parce que j'entends bien qu'on ne protège pas les idées, mais il y a du rédactionnel, il y a des choses. Enfin, on arrive à protéger des objets technologiques très complexes et on n'arrive pas à protéger un jeu. Bah, heureusement, en fait, en même temps. Parce que c'est une grosse usine à recyclage. Tu vois, c'est la chanson en trois petits chats, hein, le jeu. Hein. Tu rebondis, chacun rebondit un petit peu sur l'autre. Et donc, c'est aussi une protection de la création, de pas pouvoir protéger les choses complètement. Et le jeu est une usine de recyclage. Et tu peux pas... Il y a quand même vraiment très, très, très peu de création pure dans le jeu. Y en a, ça arrive de temps en temps, mais je veux dire, c'est quand même extrêmement rare. En même temps, si on pouvait protéger les idées, tu vois, t'imagines, j'ai une super idée de jeu, Vianney à Rennes, on ne se connaît pas, Vianney à Rennes a la même idée, on lance le truc, je l'attaque, et il perd, et il est obligé de vendre ses enfants, de... de poursuivre. Non mais c'est vrai qu'il faut, je veux dire, c'est compliqué quand même l'histoire des droits d'auteur. Et donc du coup, effectivement, le jeu, je vois pas trop comment tu peux protéger quelque chose qui ne t'appartient pas, en fait, parce que ce que tu fais, c'est un mélange, c'est un mix. On est un peu DJ, quoi. Tu récupères un bout à gauche, un bout à droite, et puis bah, la chanson que tu fais, elle est originale, et puis elle plaît plus. Alors, il faudra quand même, faut quand même dire dans ce cas-là que les DJ payent des droits pour leurs samples et qu'il y a aussi ça qui se joue, c'est-à-dire à quel moment s'arrête l'inspiration et à quel moment commence le plagiat. Eh ben, c'est une bonne question. Alors après, ça dépend si tu le places d'un point de vue le plagiat tel qu'on l'entend en dehors du juridique ou si on reste sur le juridique. Quand commence le plagiat? Quand il commence à y avoir une confusion entre deux jeux. Par exemple, je sais qu'il y a un truc assez litigieux avec lequel j'ai discuté avec des gens, mais en fait j'ai arrêté d'en discuter parce que c'est toujours mal compris. Mais Loup-garou de Tiercelieu et Loup-garou pour une nuit, qui sont deux jeux assez proches, mais dans la mécanique de jeu, ils sont très différents. Et tout le monde dit bah non, c'est très différent, c'est pas la même chose. Oui, mais j'ai été sur le... Alors bon, il se trouve que j'ai pas mal d'acquaintances avec l'éditeur de Loup-garou de Tiercelieu. Donc plutôt un peu de son côté, mais enfin bon. Mais j'étais sur son stand dans un festival pendant 3 jours, pas longtemps après la sortie de Loup-garou pour une nuit. Je peux vous dire qu'ils n'en pouvaient plus. De nombre de gens qui venaient les voir pour leur demander s'ils avaient l'extension de Loup-garou de Tiercelieu qui s'appelait Loup-garou pour une nuit. Et là, tu te dis, bon, il y a un problème. C'est-à-dire que c'est là où c'est compliqué. C'est-à-dire que mécaniquement, les jeux sont différents. Dans le look, on ne peut pas dire que ce soit la même chose. Mais en même temps, il y a une confusion. Il y a une confusion commerciale et une confusion de jeux. C'est-à-dire que effectivement, les gens pensaient que c'était la même boîte qui faisait les deux jeux. Et donc, tu vois, est-ce que ça commence là, par exemple? Par contre, là, c'est une définition peut-être hors juridique. Parce que dans le juridique, ce serait plus compliqué, je pense. Alors, c'est-à-dire que là, il faut dans le juridique, ça s'appelle le parasitage commercial. Voilà. Mais voilà, c'est là où c'est pas simple. Il n'y aura pas de procès entre Loup-garou pour nuit et Loup-garou de Tiercelieu. Mais il y a, je ne sais pas ce que tu en penses, Vianney, tu vois, mais il y a une confusion quand même qui est présente. Et c'est peut-être là où ça bascule, en fait. Du coup, ce qui est assez intéressant avec cette histoire-là, et on en avait discuté ensemble et avec Philippe, l'éditeur de Le Guerrou de Tirselieu, ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, on se retrouve sur un truc avec des noms qui sont proches. Et en fait, c'est là où le droit est quand même, à mon sens en tout cas, de ce que j'en connais, hyper strict. C'est-à-dire que d'un point de vue marque, droit des marques, loup-garou, bon, même si j'imagine que tu peux appeler ton jeu loup-garou, il y a quand même un jeu en France où tout le monde le surnomme loup-garou. C'est les loups-garous de Tirselieu. Et c'est super compliqué de se positionner sur ce point de vue-là. Enfin, moi, j'ai du mal à comprendre que légalement, ça puisse passer d'appeler aujourd'hui son jeu loup-garou pour une nuit et d'en faire un jeu à identité cachée sur le thème des loups-garous. C'est même si, et tu l'as très bien dit, mécaniquement, les deux jeux sont très différents. Il y a l'identité cachée, mais sinon, ça n'a rien à voir. C'est vraiment, c'est très différent. Et par contre, ce qui est intéressant, pour mon expérience personnelle, en tout cas en tant que ludicaire, c'est que moi, j'ai dû expliquer un paquet de fois à des clients, attention, ce que vous achetez et que vous m'amenez à la caisse là, n'est pas le jeu des loups-garous. Les gens prennent le loup-garou pour une nuit, parce qu'ils voient écrit loup-garou, et en fait, ils pensent acheter un jeu qui n'est pas le jeu qu'ils vont acheter. Et c'est là où, comme tu disais, il y a parasitage, clairement. Et c'est pour ça que je me pose la question, à quel moment t'as gagné avec Jungle Jam, Jungle Speed pour une proximité qui serait jungle, parce que on peut pas, enfin, parce que le thème est original. Qu'est-ce qui empêcherait demain lui-même, l'éditeur de Le Guerrou de Tirselieu, d'aller chercher sur le même terrain Ravensburger en France? Bah, encore faut-il que l'éditeur lui-même ait l'antériorité sur l'utilisation du mot loup-garou sur cette mécanique. Bah après, je sais pas, mais il faut qu'il l'ait. S'il l'a pas, il peut pas y aller, en fait. Parce que on est deux à se battre. Hein. Et donc l'autre, il va chercher. Voilà. Et donc, il faut que. Mais bon, ça, il faut lui poser la question, hein, à Philippe. Voilà. Mais après, il y a eu. Alors, pendant un moment, par exemple, un truc qui se fait plus du tout, Bruno Feduti. Quand il faisait un jeu, il aimait beaucoup Bruno Feduti, il s'inspirait de, comme tout le monde, hein, il s'inspirait de jeux. Et donc souvent, il prenait un jeu, une mécanique de jeu qui lui plaisait bien, il en faisait un autre. Enfin, une mécanique de jeu qui n'était pas de lui, je veux dire. Il en faisait un à lui. Et il le marquait dans la règle. Ce qui est le cas d'ailleurs de Loup-garou de Tirselieu, qui s'inspire de Mafia d'ailleurs, qui le marque dans la règle. Ça se fait plus, par exemple. Tu vois, c'est-à-dire, est-ce que tu dis que tu fais un plagiat, non, tu dis que tu fais un hommage à un jeu. Mais tu vois, alors là, là ça se fait plus. C'est-à-dire que Bruno Feduti le faisait tout le temps et le disait clairement. Il disait, bah oui, je me suis inspiré de tel jeu pour faire celui-là. Et bah oui, tu voyais bien le lien entre les deux. Mais après, il faut s'en détacher. C'est-à-dire qu'effectivement, il faut créer un univers différent, il faut apporter d'autres mécaniques. Mais le lien, il est très, très ténu. Hein. Tu penses que c'est lié à quoi, la disparition de cette pratique-là ? Que les auteurs sont devenus fébriles, les auteurs de jeux sont devenus un peu fébriles et ont décidé d'en vivre. C'est à partir du moment où ils ont décidé d'en vivre, en fait, c'est à partir du moment où ils ont voulu devenir auteurs que ça a posé problème. C'est-à-dire qu'effectivement, moi je me souviens quand je suis arrivé dans le monde du jeu, donc Bruno Feduti, je l'ai connu assez tôt, en 97 ou 98, et il organisait une rencontre qui s'appelle les rencontres ludopathiques, donc il y a un week-end où on se retrouve à plein pour jouer ensemble. Et à l'époque, il y avait quasiment personne, enfin même personne en fait, qui vivait du jeu. C'est-à-dire que c'était un truc, un hobby. Et donc, quand tu fais un hobby, eh ben, y a pas de problème à reconnaître que tu as pris là. Enfin, je veux dire, c'était quasiment du Creative Commons en fait. Hein. Mais à partir du moment où ça devient une activité professionnelle, eh ben, tout se tend un peu, quoi. Et donc les auteurs se tendent et on le voit dans le milieu du jeu de société, je veux dire, tout le monde se professionnalise et en se professionnalisant, bah ça se tend un peu plus et du coup on est moins dans ce partage et puis dans cette ambiance un peu chaleureuse, un peu cool, quoi. Voilà, et donc du coup on est plus prêt à se tirer dans les pattes, ça c'est sûr. Oui, puis j'ai l'impression que le jeu de société a aussi, pour un certain nombre de cas, enfin, je vois pas trop de cas où ça s'applique, en tout cas, n'a pas des choses dont ont pu disposer le jeu vidéo, le jeu de rôle depuis longtemps, qui sont une espèce de système générique transversaux. Un jeu de rôle, c'est quelque chose d'assez commun depuis longtemps d'avoir des systèmes génériques sur lesquels vont s'apposer différentes mécaniques de jeu, voire même qui ont disposé de leur propre licence plus ou moins libre suivant les variantes. Mais un des exemples assez connus, c'est le Basic Role-Playing Game System qui motorise les jeux L'Appel de Cthulhu, mais aussi les jeux inspirés de l'univers d'Elric historiquement ou de Hawkmoon. Et puis plein d'autres jeux. En jeu vidéo, on a eu des moteurs de la même façon qui ont été développés pour notamment des FPS, par exemple Half-Life ou j'ai un trou de mémoire sur l'autre, mais bon, disons Half-Life, qui a servi pour faire plein de modes derrière, qui ont fait naître des jeux comme Portal et autres, où du coup on a vraiment un espèce de commun ludique dans lequel les gens vont puiser pour créer leur jeu. J'ai l'impression que c'est effectivement quelque chose de plus compliqué en jeu de société, sauf peut-être si on va chercher du côté des jeux traditionnels, mais même là, on les prend comme inspiration, pas comme une approche, une variante d'un jeu. C'est ce que tu disais au début. Vous, initialement, c'était une variante du jeu du bouchon. C'est des choses qui existent encore un peu. Comment ça se passe? Est-ce qu'il n'y a pas du tout d'idée de commun qu'on puisse réutiliser, faire circuler, travailler avec des univers différents? Bah si, il y a le cas de Cards Against Humanity. Parce que là, pour le coup, c'est un moteur commun qui est utilisé à toutes les sauces. Mais après, ça s'épuise vite. C'est ça le problème, c'est que là, toi, tu parles de jeu de rôle, c'est un univers narratif qui est très riche. Et donc, cette richesse peut suffire peut-être à elle-même, j'en sais rien, je suis pas rôliste, hein, mais c'est une richesse qui est en soi le moteur des gens qui veulent jouer à du jeu de rôle, c'est qu'on leur raconte une histoire. Et donc, la mécanique n'est pas annexe, mais là, le plus important, c'est que l'histoire soit belle. Dans le jeu de société, très vite, enfin, je veux dire, la mécanique, alors c'est de moins en moins vrai, mais la mécanique était jusque là plutôt primordiale. Il y a eu la mode des jeux à l'allemande où en fait la thématique on en avait rien à cirer, et donc du coup il fallait apporter la nouveauté dans la mécanique pour renouveler du plaisir. Parce que si tu jouais les jeux à l'allemande, et pourtant déjà ça se ressemblait pas mal. Après, le narratif commence à arriver dans le jeu de société, et par exemple des jeux comme Time Stories créent un moteur, et puis il y a plein d'histoires différentes, et chaque histoire est basée sur le même moteur. Donc on commence à arriver à ça, mais ça, peut-être qu'il faut que ce soit dans le narratif que ça marche. Et après, pour faire un peu de corrélation aussi, quand même, il y a eu des mécaniques qui sont aujourd'hui clairement identifiées avec des papas ou des mamans, et qui sont repompées, ressaucées, etc. Je pense particulièrement au deck building et à Dominion, qui a clairement créé une mécanique. Alors, comme tu disais très bien tout à l'heure, un auteur, ça repompe, ça reprend. On peut dire quelque part que le deck building, ça vient de la bataille. On prend des cartes, on les ajoute à son paquet. En attendant, Dominion a clairement identifié un système de jeu, et ce système a été... Alors, je vais utiliser un mot fort, mais à mon sens, pillé par d'autres gens et complètement réutilisé. Aujourd'hui, c'est tombé, on dirait, dans le domaine public. Tout le monde a le droit de faire un deck building. C'est plus du tout la mécanique de Vaccarino. Et ça se rapproche un peu de ce que tu disais en termes de système de jeu. En attendant, moi, j'ai toujours eu l'impression, et je suis d'accord avec la question de Manuel qui a vraiment une pertinence, c'est j'ai toujours l'impression que c'était fait un peu en douce, en loose dé, quoi. Il n'y a pas, oui, le deck building, tout le monde peut s'en servir, mais on le fait un peu tous quand même, quoi. Et il y a des mécaniques, et en fait je me demande si la question c'est pas des mécaniques. Est-ce que Jungle Speed n'a pas été le premier jeu d'observation et de rapidité? Non. je crois pas. Alors au moment où on a sorti le jeu, il y avait Allegali qui était sorti, que je connaissais pas, mais qui était sorti. Des jeux de rapidité. Enfin, je dirais, de toute façon, il y avait le jeu du bouchon, effectivement. Tu vois, c'était quand même, on s'est beaucoup inspiré de jeux traditionnels, mais toujours. C'est-à-dire que Bruno Catala s'inspire beaucoup de jeux de mécanique traditionnelle. Five Stripes, qui est un gros jeu, qui est un jeu voilà, bien touffu quand même, c'est là où elle est. Donc, et après, c'est important ça reste important pour nous de nous baser sur les jeux traditionnels parce que c'est un moyen que les gens ne soient pas perdus quand ils découvrent le jeu. Si tu fais King Domino, c'est des dominos. Et effectivement, ça parle tout de suite. C'est-à-dire que tu rentres tout de suite dans le truc. Les dominos, effectivement, c'est une mécanique. Il y a Fertility dans le. C'est un domino aussi. Enfin, dire, mais après, tu fais un peu de tout. Il y a un peu de loto. Le loto aussi, c'est mine de rien. Il y a eu la mode des roll and write, donc où on lance des dés et on coche. Ça c'est l'Yams, voilà, on a fait du Yams, c'est une mode qui revient. Après c'est cyclique un peu, hein, ces trucs-là. Donc après ça revient à chaque fois en étant un peu modifié. Mais c'est vrai que ça, sur les apports, les nouveautés, effectivement, tu as raison. C'est-à-dire que le deck building, c'est vrai qu'il n'y a pas eu de. Mais après, il y a une paternité quand même. C'est-à-dire que tout le monde reconnaît la paternité de ce jeu-là. Ouais. Bah, ça a tué le jeu en même temps. Donc quand tu vois ça, tu te dis bon, t'as pas tellement envie d'y retourner. Mais... Eh bien écoute, on commence à être bien avancé dans ce podcast. On va tranquillement arriver vers la fin. Il me reste deux petites questions. La première, qu'est-ce qu'on fait quand on se rend compte que le jeu qu'on a créé ressemble beaucoup, involontairement, à un jeu qui existe déjà? Et ça va être de plus en plus le cas, en plus. ça arrive régulièrement. Alors, jusqu'à il n'y a pas si longtemps, on laissait tomber le projet. Je pense que ça va être de moins en moins le cas. C'est-à-dire que le Gentleman Agreement qui avait cours va avoir de moins en moins cours. Dans la mesure où les éditeurs n'hésitent plus maintenant, en toute connaissance de cause, à sortir des jeux qui se ressemblent beaucoup. Donc il y a, par exemple, j'ai vu le cas au Flip. Alors je fais partie du Flip qui appartenait tous les étés, donc il y a un festival de jeux assez important, où il y a des protos qui sont présentés. Et donc on a eu deux protos qui étaient extrêmement similaires. Et du coup, on a mis en relation les deux, quoi, en disant bah, y a un problème, les gars, vous avez fait le même jeu, quoi. Et ils se connaissaient pas, c'est vraiment le hasard, c'est clair. Et ben, les deux jeux sont sortis chez deux éditeurs différents, de manière très différente. Donc c'est Graumf et Monster Jelly, Attack of the Jelly Monster. Et alors par contre là pour le coup les deux éditeurs ont pris des partis pris graphiques complètement différents, c'est à dire que les différences se sont faites, les éditeurs ont fait gaffe mais les deux jeux sont sortis, hein. Et alors je crois à rechercher du coup, hein, mais je crois en plus que là pour le coup il y a eu une réelle discussion entre les auteurs, l'éditeur, etc. Je crois qu'un des deux auteurs avait déjà signé son jeu au moment où il l'a envoyé au Flip, c'était pas le cas pour l'autre et du coup Libellude a dû Libellude travaille avec des dés et a demandé à la boîte de jeu, l'éditeur de Grumpf, de ne pas utiliser de dés comme dans le proto. Je crois, enfin, il y a quand même eu des discussions entre les éditeurs pour que les jeux ne sortent pas. En tout cas, pas aussi similaires que ça, quoi. Et l'autre exemple. Et après, il y a le financement participatif, parce que là, c'est la fête du slip. Kickstarter Ulule permet de tout faire. C'est-à-dire que j'arrête pas de voir, moi, j'hallucine à chaque fois que je vois des projets Kickstarter. J'ai même vu un projet Kickstarter, un gars qui propose une extension non officielle de Cards Against Humanity en disant je vous garantis que les cartes seront compatibles, elles sont compatibles avec le jeu, donc tu vends un jeu, donc une extension d'un jeu qui existe. Tu garantis que les cartes sont compatibles, donc il prend le même design et par contre il précise bien, nous n'avons rien à voir avec les gens de Cards Against Humanity. Donc tu te dis, si ça c'est possible, ça veut dire que bah, c'est bon, il n'y a plus de limites, quoi. Je comprends pas, si tu veux que ce truc soit possible, moi ça m'effraie un peu, parce que les gens qui font des copies, alors qui est-ce, en ce moment j'ai vu plein de Kickstarter qui proposent le qui est-ce avec les femmes célèbres, le qui est-ce de avec des beats, je crois, la dernière fois j'ai vu un truc, c'est un qui est-ce avec des beats, donc qui est proposé en Kickstarter, et donc les gens qui font ça, donc, ont l'impression d'avoir de proposer un truc, une création originale, parce qu'ils ont mis des bits à la place des visages sur le qui est, sachant qu'ils prennent le même principe d'un plateau avec des fiches qui bougent et que tu t'inclines quand tu t'élimines, quoi. Le Kickstarter, c'est vraiment la fête. Alors là, c'est tout et n'importe quoi. Et donc ça ouvre... Tous ces trucs cumulés, si tu veux, font que le droit d'auteur est menacé, c'est clair, quoi. Je veux dire, on avance tellement lentement sur le droit d'auteur, et par ailleurs... Il y a tellement d'avancées, de possibilités de faire de la copie que pour moi, c'est un peu perdu, en fait. Merci Tom Verschex pour cet état des lieux riant. J'arrive à mon avant-dernière question. On a toujours une question spéciale en fin d'épisode, je la garde pour après. Mais en tout cas, pour ma dernière question du coup dans la thématique du jour, comment ça se passe à l'inverse si on a créé un jeu depuis longtemps et que, comme toi, on découvre un jeu qui ressemble quand même vraiment beaucoup à ce qu'on a déjà publié, commercialisé. C'est quoi les bons réflexes, toi qui es passé par là? Alors, on fait pas ça seul, parce que dans notre contrat, donc le contrat d'édition qu'on a avec l'éditeur, on garantit à l'éditeur que donc de prévenir si on découvre des contrefaçons. C'est ça ta question, hein, parce que si on découvre des contrefaçons, on doit l'en informer et réciproquement. Et par ailleurs, évidemment, on lui a garanti que notre jeu était original dans le contrat. Donc le mieux, alors moi je conseille quand même de ne pas y aller tout seul, c'est-à-dire que un procès comme celui qu'il y a eu contre Jungle Jam, ça coûte des sous, que tu le gagnes ou tu le perdes. Donc le procès en fait c'est vraiment la dernière étape à faire, hein, parce que là je ne sais pas combien ça a coûté. Si tu veux, alors le Jouet Club a été condamné à verser de l'argent à Asmodée, mais ça n'a pas couvert les frais d'avocat. Donc il faut faire gaffe avec ça, faut pas partir en se disant oh lui je vais foutre un procès. Enfin, c'est vrai que je vois souvent de plus en plus on s'américanise un peu de ce côté là, c'est-à-dire en disant tout de suite on a ce réflexe là de dire action juridique, mais non en fait avant ça il faut discuter, avertir l'éditeur, l'éditeur a probablement un avocat. C'est le mieux en fait de bosser en synergie, parce que si tu y vas tout seul, tu t'épuises, tu connais rien, tu vas payer cher, ça coûte tout de suite cher et puis ça prend du temps. C'est-à-dire que là, Jungle Jam, ça a pris 3 ans entre le début de la procédure et la fin. Donc pendant 3 ans, tu payes des sous. Donc il faut contacter l'éditeur. L'éditeur, le mieux, c'est qu'il essaye de contacter la personne qui publie le jeu qui ressemble et discuter. Voir déjà si c'est un hasard, si c'en est pas un, il faut avoir un petit peu le bénéfice du doute quand même. Éventuellement, si c'est pas la même, ce que je disais tout à l'heure pour le jeu de Bruno, si c'est pas dans le même pays, éventuellement discuter sur une régularisation de la situation en disant bah ok. Vous avez ce pays-là, mais vous versez droit d'auteur, enfin bref. Mais en parler, c'est très important. C'est-à-dire qu'il ne faut pas partir bille en tête à l'attaque, quoi. Parce que les choses peuvent se résoudre. Personne n'a intérêt à aller dans un procès, en fait. Donc il y a des médiations qui sont faites. L'histoire de racheter le stock, c'est pas. Tu vois, mais bon, ça, il faut que ce soit l'éditeur. C'est-à-dire que c'est l'auteur, en fait, financièrement. Il ne peut pas aller très loin tout seul. Il ne faut pas qu'il y aille tout seul. Donc il faut que ce soit l'éditeur qui le soutienne. Eh bien, merci beaucoup, Tom. Donc Tom Verschex, je le reprécise pour nos auditeurs, des créateurs de Jungle Speed qu'on reçoit aujourd'hui pour parler de propriété intellectuelle et jeux, enfin qu'on recevait. On arrive quasiment au bout de ce podcast. Il nous reste une dernière question à poser, question traditionnelle pour cette 5e saison de Ludologie. Et cette question, c'est quoi ton plus vieux souvenir de jeu? Alors, mon plus vieux souvenir de jeu. Alors, je ne sais pas si c'est mon plus vieux souvenir, mais j'ai beaucoup joué avec ma grand-mère. J'ai beaucoup joué avec ma grand-mère qui aimait beaucoup gagner. Donc, c'est un souvenir traumatique, en fait. C'est pour ça que je l'ai gardé fort. Je pense que j'ai joué avant. Mais en fait, mes premiers souvenirs de jeu vraiment forts, c'était de jouer avec ma grand-mère qui me défonçait. parce qu'elle jouait. Et en fait, j'ai fait la même chose avec mes enfants. Du coup, je me suis vengé. Parce que... j'ai beaucoup pleuré en étant enfant. J'étais très, très mauvais perdant. Et donc j'ai beaucoup pleuré, mais à chaque fois que j'allais en vacances chez elle, comme elle aimait jouer et qu'elle n'avait pas beaucoup de joueurs, du coup elle jouait beaucoup avec moi. Et après c'était des jeux très traditionnels. Hein. On a fait du 1000 bornes, enfin, 1000 bornes c'est venu après, mais du 10 000, c'est un jeu de dés, qui est un genre de Yams, c'est un Yams en fait. Donc j'ai beaucoup joué au Yams, et je sais pas, pour se faire défoncer tout le temps au Yams, tu vois, c'est encore pire quoi. je vais être vraiment mauvais, quoi. Mais donc, je crois que c'est ma grand-mère. Mais en fait, je la remercie, en fait. Parce que, et je dis, enfin, quand je vois des discuter avec des parents qui sont joueurs, je leur dis, mais faites pas semblant de perdre, c'est nul, faut pas faire ça. C'est pas grave, il va pleurer, mais vous verrez. Ça... mais je pense que c'est ça, mon plus vieux souvenir des jeux, c'est ma grand-mère. Enfin, c'est ma grand-mère, quoi. Eh ben merci beaucoup Tom pour nous avoir partagé tout ça. Ça va donner du grain à moudre aux gens qui créent des jeux et puis aux gens qui s'intéressent un peu à comment tout ça se passe. On se retrouve bien évidemment dans 15 jours pour le prochain numéro de Ludologie. Ce sera donc le 77e si vous avez bien suivi depuis le début de cet épisode. Si vous avez bien suivi depuis le début de cet épisode, vous vous rappelez probablement aussi que désormais Studio Dilettante, la structure qui porte Ludologie, a un Tipeee auquel nous vous invitons à aller souscrire pour nous donner quelques euros qui nous aideront à non pas nous payer des vacances à Copacabana, mais à avoir du matériel de bonne qualité, à avoir un site viable un jour peut-être, voilà tout ça quoi, histoire de vous faire des beaux podcasts Ludologie et puis bien entendu d'autres puisque il y a d'autres projets qui sont dans les cartons. On vous embrasse bien fort, on vous retrouve d'ici 15 jours et puis surtout d'ici là n'oubliez pas de jouer. We'll be right back.